la housse partie, c'est-à-dire la couverture partagée. Un riche bourgeois, voulant assurer le mariage de son fils avec la fille d'un noble chevalier sans fortune, consent à se dessaisir de tous ses biens au profit du jeune homme. Ce dernier s'engage à prendre soin de son père jusqu'à sa mort. 12 ans s'écoulent. Le ménage a un fils déjà grand. Le couple supporte difficilement le vieillard, surtout la femme qui est fière et orgueilleuse. Elle décide son mari à chasser son vieux père. Le pauvre homme a beau supplier qu'on lui donne du moins à manger, c'est peine perdue. Le père est si plein de douleur que cela lui crève le cœur ou peau s'en faut. Malgré sa faiblesse, il se lève et quitte la maison en pleurant. « Fils, dit-il, je te recommande à Dieu, puisque tu veux que je m'en aille. Pour Dieu, donne-moi un bout de couverture. Ce n'est pas grand-chose et je ne peux supporter le froid. C'est pour me couvrir que je te le demande, car ma robe est peu fournie et le froid, plus que toute chose, me tue. » Mais le fils, peu disposé à donner, réplique. « Père, je n'en ai point à vous donner, vous n'en aurez point, à moins qu'on me pille ou qu'on me vole. » « Beau doux fils, tout le cœur me tremble, je crains tant le froid. Donne-moi au moins une de tes couvertures de cheval, pour que le froid ne me fasse point de mal. » Le jeune homme, qui veut s'en débarrasser, voit bien qu'il ne peut le faire sans lui donner quelque chose. Pour le décider à partir, il ordonne à son fils de donner au vieillard la couverture. L'enfant accourt. « Qu'y a-t-il pour votre plaisir ? » dit-il. « Beau fils, je te commande, si tu trouves l'étable ouverte, de donner à mon père la couverture qui est sur mon cheval noir. S'il le veut, il s'en fera un manteau, une cape ou une couverture. Donne-lui la meilleure de toutes. » L'enfant, qui est plein de bon sens, dit au vieillard, « Beau grand-père, venez avec moi. » Le prud'homme l'accompagne, tout désolé et plein d'ennui. L'enfant trouve la couverture. Il prend la meilleure et la plus neuve, la plus longue et la plus large. Il la double par le milieu et la partage avec son couteau du mieux qu'il peut. Puis, il en donne la moitié à son grand-père. « Beau fils, dit le vieillard, qu'en ferai-je ? Pourquoi l'as-tu coupé ? Ton père me l'avait donné. Tu m'as fait grande cruauté, puisque ton père avait ordonné que je l'eusse tout entière. Je vais revenir le lui dire. « Allez où vous voudrez, dit l'enfant. De moi, vous n'en aurez jamais davantage. » Le prud'homme sort de l'étable. « Fils, fait-il, tout ce que tu as fait et commandé tourne en tromperie. Que ne punis-tu ton fils, qui ne te redoute ni ne te craint ? Ne vois-tu pas qu'il garde la moitié de la couverture ?»« Dieu te donne malaventure, dit le père. Donne-la-lui toute. » « Je n'en ferai rien, dit l'enfant, à coup sûr. Avec quoi seriez-vous vous-même payé ? Je vous en garde la moitié. Vous n'en aurez jamais de moi davantage. Si je peux un jour devenir le maître, je vous chasserai aussi, comme vous l'avez chassé. Il vous a donné ses biens, je veux aussi avoir les vôtres, et vous n'emporterez de moi qu'autant que vous lui aurez donné. Si vous le laissez mourir des misères, j'en ferai autant pour vous, si je vis. » Le père entend son enfant. Il rentre en lui-même. Il soupire. Il comprend la leçon que son fils lui donne. Il se tourne vers le vieillard. « Père, dit-il, restez ici. C'est le diable et le péché qui m'ont égaré. Soyez maître et seigneur de mon hôtel, pour toujours. Par Saint-Martin, je vous le dis, je ne boirai jamais de vin, je ne mangerai jamais de bons morceaux, sans que vous soyez mieux servi encore. Vous aurez chambre particulière, bon feu et beaux habits. Vous avez été bon pour moi, beau doux père, et c'est à vous que je dois tout mon bien. »